par les amis. Un amour me réjouissant, il baisse mes lauriers et me console les jours sombres. Mais c'est demain que je vais laisser ces gens qui m'aiment et que j'aime à mourir. Mais c'est ça la vie, oh, oh, oh. Mais c'est ça la vie, oh, oh, oh. Il faut toujours partir, partir vers d'autres mondes. Il faut quitter des chairs pour s'armer contre le sort. Mais c'est demain que commence ma grande lutte, lutte pour l'existence. Mais c'est ça la vie, oh, oh, oh, oh. Mais c'est ça la vie, oh, oh, oh, oh. Les autres me saluent, toi tu fonds larme. Ma chérie, si je t'aime, je dois préparer notre avenir. Mais dès demain je poserai la première pierre, car il faut travailler pour vivre. C'est la loi de la vie, oh, oh, oh, oh. C'est la loi de la vie, oh, oh, oh, oh. Je sais que tu vas pleurer, oui Gladys. Je sais que tu auras du chagrin. Salut, toi tu fonds larme. Ma chérie, si je t'aime, je dois préparer notre avenir. Mais dès demain je poserai la première pierre, car il faut travailler pour vivre. C'est la loi de la vie, oh, oh, oh, oh. C'est la loi de la vie. Je sais que tu vas pleurer, oui Gladys. Je sais que tu auras du chagrin.